dernier jour. Quand Dieu se fait chair, il utilise surtout sa parole pour tout révéler, accomplir. Plus besoin de faire, les paroles suffisent, car exprimer la parole est la seule œuvre faite par Dieu incarné. Tu ne vois ce qu'il est que dans ses paroles. Il est Dieu lui-même. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Bientôt, sa parole tombera sur chaque confession, groupe, chaque nation et dénomination. Dieu utilise la parole pour conquérir, fait voir à tous son autorité et puissance. Aujourd'hui vous faites face à la parole de Dieu. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Les paroles de Dieu montreront leur puissance et autorité depuis jadis jusqu'à présent. Ces paroles seront accomplies. Ainsi, la gloire sera à Dieu sur terre. Donc, en d'autres termes, ces paroles régneront sur terre pour toujours. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Les méchants seront châtiés, tous les justes seront bénis. Tout sera établi, rendu parfait par ses paroles. Pas besoin de signes et merveilles dans l'air du règne. Tout est fait par la parole. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole.